La troisième. C'est le titre. La troisième, elle revient. C'est toujours la première. Comme dit Gérard de Nerval. Septième séance. Alors, le texte qu'on va écouter tout à l'heure, l'extrait de la troisième, présente une articulation majeure, puisqu'il va être question du réel, ce qu'on a essayé d'aborder au cours de toutes les séances précédentes, avec la complexité de ce concept, puisqu'il est dans une temporalité différente. Et puis, une certaine dimension sociale, donc un peu une articulation possible, potentielle du sujet avec le collectif. Donc le réel, on a un peu tendance à la suite de RSI, réel symbolique imaginaire, à penser que ça va un peu de soi, qu'il y ait trois instances comme ça. Mais en vérité, le réel est apparu en dernier, bien que Lacan en ait eu l'intuition et la prescience au préalable, c'est-à-dire dans les premières années de son enseignement, où il était surtout question d'imaginaire et de symbolique. Mais il n'était pas encore défini précisément avec le symbolique et l'imaginaire, mais plutôt par rapport à la réalité. C'est-à-dire que le réel, justement, très tôt est apparu comme, en fait, ce qui n'est pas la réalité, mais qui conditionne la possibilité d'une réalité, puisque la réalité fait partie déjà des concepts clés de la psychanalyse freudienne, notamment avec le principe de réalité, le fameux principe de réalité. Donc, comme on l'a vu la dernière fois, la difficulté d'abord de ce concept de réel chez Lacan, c'est que nous sommes habitués dans notre vie courante, dans les logiques qu'on apprend à l'école, ce qu'on entend de la part de nos parents, toute notre éducation, etc., à considérer une relation comme étant la relation de causalité, donc la détermination symbolique. Et ce concept de réel, justement, c'est ce qui fait dérailler cette causalité linéaire, cette causalité signifiante de l'ordre symbolique. Donc c'est pour ça qu'on a un peu de difficulté, dans la mesure notamment où le réel n'est accessible qu'après coup, c'est-à-dire il s'est déjà passé quelque chose, et puis quelque chose d'autre fait dérailler la chaîne symbolique, donc la notion de cause, il n'y a de cause que ce qui cloche, ce qu'on a vu la dernière fois, et à ce moment-là, après coup, se reconstruit la possibilité de ce réel-là, qui est la cause originelle, mais qui ne peut être reconstruite qu'après coup, à partir de ses effets. Donc voilà, c'est la difficulté, étant donné que la réalité, en gros, c'est ce qui fonctionne, hein, et le réel, c'est ce qui cloche. Donc je ne vais peut-être pas m'attarder trop longtemps aujourd'hui, on va y revenir après, sur des aspects trop conceptuels, on va plutôt passer sur des exemples qui sont liés à l'écoute de ce passage de la troisième. Mal entendu ce que je viens de vous dire, hein? Entendu de sorte que ça soit pris au sens de savoir si la psychanalyse est un symptôme social. Il n'y a qu'un seul symptôme social. Chaque individu est réellement

pas moi souligner au passage, nous mettrait enfin dans l'apathie du bien universel et suppléerait à l'absence du rapport que j'ai dit impossible à jamais par cette conjonction de Kant avec Sade, dont j'ai cru devoir marquer dans un écrit l'avenir qu'il nous pend au nez. Soit le même que celui où l'analyse a en quelque sorte son avenir assuré. Français, encore un effort pour être républicain. Ce sera à vous de répondre à cette objurgation, parce que, hein, quoique sache pas toujours, enfin, si cet article vous a fait ni chaud ni froid, hein, il y a juste un petit type qui s'est escrimé sur. Ça n'a pas donné grand-chose. Hein. Plus je mange mon tassin, comme j'ai écrit à la fin d'un de mes séminaires, moins j'en sais dans le genre de l'effet qui vous fait. Cette troisième, je la lis, quand vous pouvez vous souvenir peut-être que la première qui y revient, j'avais cru devoir y mettre ma parlance, puisqu'on l'a imprimé depuis. Ce sous-prétexte que vous en aviez tous le texte distribué. Hein. C'est aujourd'hui, je ne fais cours de Rome. J'espère que ça ne vous fait pas trop obstacle à entendre ce que je lis. Si elle est trop, je m'excuse. Tu voulais aller plus loin ? Comment ? Tu voulais aller plus loin ? Ah non. Non. C'était là qu'il fallait arriver loin ? Je crois. Je crois. Donc, vous voyez un passage extrêmement riche, puisque nous commençons par la considération qui le plus souvent passée sous silence, c'est la définition que donne Lacan du prolétaire, qui n'a pas changé depuis, et qui, paradoxalement, rejoint exactement donc le Marx des Grundis, c'est-à-dire le substanzlos subjekt. Ce qui est le prolétaire a été assimilé après à une classe sociale, la classe ouvrière, etc. Mais en lisant Marx jusqu'au bout, et lui-même qui se disait donc ne pas être marxiste, donc Lacan rappelle hein, ce quoi Marx apparaît d'une façon incroyable puisque rien ne doit changer. Donc c'est que le sujet marxien, est le pur héritier du sujet kantien, hegelien, et qu'on va retrouver dans la psychanalyse, c'est le substanzlos subjekt, c'est-à-dire sans substance. Ce que ça veut dire, prolétaire, c'est de n'avoir que ses enfants, donc ne pas avoir d'autre substance que de mettre son propre être, justement, sur le marché du travail. Donc, on commence par le discours, donc la psychanalyse comme étant d'une autre consistance que les autres discours, avec cette remarque de Lacan sur ce qui vient en lieu et place du rapport sexuel. On l'a vu, c'était le début de la troisième, il y a un choix forcé. Ce choix forcé, en gros, ça veut dire que on est perdant à tous les coups. Parce que ce choix qui se situe entre le sujet et l'être, Lacan mettant l'être, donc du côté de la jouissance, en fait, on peut peut-être tout de suite parler de la différenciation sexuelle, puisqu'on le verra peut-être plus tard, c'est un thème très riche et en ce moment extrêmement refoulé, c'est en fait l'équivalence absolue qu'il y a entre la différence sexuelle et la lutte des classes. ça procède de la même conception du réel et de la même conception du sujet. Et donc forcément, aujourd'hui, il y a une volonté absolue de gommer la différence sexuelle. Et évidemment, la lutte des classes, eh bien, il n'y a pas de lutte des classes. Hein. C'est juste... Donc on voit qu'il y a là déjà une anticipation chez Lacan de tout ce qui se passe aujourd'hui, hein, de manière très précise. Vous avez assisté dernièrement à ces rebondissements dans la sphère sociale, justement, de cette espèce de d'hérésie discursive qui s'appelle le discours capitaliste, qui est très intelligent, hein, puisqu'il évacue le réel. Et donc, dès les années 70, à Rome, c'est déjà annoncé de manière extrêmement précise. Donc, dans ce premier rapport donc, du réel, on l'a vu, qui est justement quelque chose qui est difficile à définir, puisqu'il concerne le sujet, hein, le sujet qui, a priori, est quelque chose qui s'extrait à la fois de la détermination symbolique de la chaîne des causalités et aussi de la société, puisque c'est une forme de retrait en soi qui existe déjà chez Hegel comme la nuit du monde. Et bon, si on veut voir ça avec un peu d'humour, parce que la différence sexuelle permet aussi de replacer justement que le sujet est du côté féminin. Et il y a une image remarquée bien sûr par Slavoj Žižek qui est géniale pour son talent d'observation dans les films de Ridley Scott, le Alien 3 ou Alien 4, il y a Sigourney Weaver comme ça, qui est avec les yeux baissés, elle a Alien à côté de lui, à côté d'elle, comme ça, et en fait il dit voilà la position pure du sujet féminin, c'est-à-dire c'est un retrait en soi du sujet qui ne peut pas participer de la jouissance de la chair palpitante. Donc il présente ça justement comme la position féminine par excellence dans la sexuation. Il n'y a pas de sujet de la jouissance. Non, il n'y a pas de sujet de la jouissance, bien sûr, hein? Puisque le sujet c'est... Dans la jouissance, il n'y a plus de sujet. Voilà, c'est sortir justement de la jouissance. Donc ce qui se retrouve... Alors, dans aussi, notamment, les contes populaires, La Belle au bois dormant, Le sommeil de Blanche-Neige, ou Kundry dans Parsifal, ou aussi dans les films de David Lynch, dans la position féminine, c'est une position de retrait absolu, justement, qui symbolise la possibilité subjective de sortir de la chaîne des causalités. Sinon, on est dans la pure détermination signifiante, donc dans une causalité où il y a une cause, un effet, ça c'est ça ce qui marche, ça c'est la réalité. Le réel, c'est ce qui ne s'inscrit pas là-dedans. Et on peut dire que la structure élémentaire de la subjectivité, c'est que le patou du sujet ne peut pas être causé par la chaîne symbolique. Voilà, ça c'est l'image à retenir de ce qu'est le réel par rapport à la réalité, en tout cas tel que Lacan en parle dont on peut trouver en amont dans les œuvres d'art justement l'annonce, hein, préalable. Parce que le sujet n'est que l'écart lui-même qui sépare la cause de son effet. Un sujet n'est pas causé par la chaîne, c'est ce qui s'en extrait. Donc c'est pour ça que c'est même pour replacer la lutte des classes amenée par Marx et qui aujourd'hui passe pour quelque chose de totalement démodé, obsolescent, sans aucune valeur concrète dans l'idée de ce qu'est aujourd'hui la chose concrète. En fait, c'est quelque chose de très concret, tout autant que la différence sexuelle, qui est aussi fait l'attaque de la bien-pensance, le service des biens, hein, c'est ça l'empire du bien là qui nous gouverne, c'est-à-dire le discours capitaliste, qui, quels que soient ses représentants, hein, vous savez très bien que pour moi il n'y a aucune différence donc entre la soi-disant gauche aujourd'hui, qu'on ne devrait jamais appeler la gauche, hein, d'ailleurs il y a un très bon petit interview de Badiou là-dessus, c'est-à-dire que c'est par une mauvaise habitude qu'on appelle ça la gauche, c'est une dimension topologique, hein, c'est-à-dire qu'il y a à gauche il y avait les libéraux par rapport aux royalistes, etc. Mais aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la gauche, puisque la gauche Là, il faut revenir jusqu'à Rancière, donc ce seraient ceux qui représenteraient justement la part des sans-parts. Et donc là, c'est juste une dimension topologique et puis une obéissance absolue au discours, au diktat du système capitaliste qui procède méthodiquement par un effet abrasif d'éradication du réel et éradication du sujet. C'est déjà contenu. C'est ça qui est important à souligner, c'est qu'il utilise, enfin, il rappelle le terme d'individu. Voilà. L'individu, un discours qui fait de nous des individus, c'est un discours qui forclôt la division subjective. C'est-à-dire qu'on ne peut plus être sujet des discours et donc pouvoir s'y déplacer. On est assigné à une place d'individu et identifié comme tel. Hein. C'est-à-dire la sexualité au rencard et il n'y a pas de castration. Hein. C'est peut-être important de le souligner là. Alors que c'est quand même surprenant de l'entendre dire, lui, Lacan, que le seul symptôme social, c'est justement tous prolétaires. Tous prolétaires, c'est quand même un terme qui, à l'époque, avait une résonance, comme tu l'as rappelé. On parlait de la classe ouvrière, et penser que même les psychanalystes sont des prolétaires, sauf qu'ils y échappent un peu parce que. Il y a le discours analytique qui fonctionne. Voilà. Pour ceux qui ont compris ça, voilà. Qui ne sont pas la majorité, voilà, quand même. Il le dit, là, il explicite là. Alors, il y a un point que je voudrais quand même soulever, c'est que il faut rappeler que ce n'est pas... L'inconscient n'est pas lié à la société. L'inconscient, la société s'édifie du refoulement, et non pas le contraire. Là, c'est un point fondamental. Hein, ça se lit très bien dans Totem et Tabou. Il faut d'abord que les fils aient tué le père pour constituer la loi qui va faire d'eux, dont ils vont produire une société des frères, sur l'interdit porté sur la jouissance du père, en tant qu'elle serait refoulée. Donc la société s'édifie du refoulement, c'est déjà dit dans Freud, et non pas le contraire. Très voilà. Important. Ça. On est d'accord ? On est absolument d'accord. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de fête sociale en avance sur la psychanalyse. C'est absolument impossible. Alors, puisque le malaise dans la civilisation, c'est de quoi est malade l'analysant. Donc c'est absolument. Alors s'il y a quelque chose qui peut anticiper, venir en amont de la théorie psychanalytique, c'est l'art et rien d'autre. Il ne peut pas y avoir de fête sociale qui sera en avance sur la psychanalyse. Ça, c'est une absurdité absolue. Bon. Alors une autre chose que précise Lacan, c'est là qu'il dit que l'inconscient c'est la politique et non pas le contraire. La politique c'est pas l'inconscient. Pourquoi il peut dire que l'inconscient c'est la politique? C'est parce qu'il y a la dimension du sujet. Les sujets ils fonctionnent ou ils existent parce qu'ils sont dans la police, dans la société, dans la cité. Et quand on empêche justement les sujets d'exister dans cette dimension-là, à ce moment-là, ils sont pris en charge par les professionnels de la politique. Ils sont exclus de tout débat dans la cité pour décider des suites qu'ils vont donner éventuellement aux choses contingentes qu'ils rencontrent collectivement et pour trouver des solutions. Là, c'est aussi un point très important. Retenir l'histoire de l'inconscience et la politique. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des petites manœuvres comme certains en font pour exister dans le monde. Hein, il s'agit de prendre ça à la racine même de ce que ça peut dire pour chacun. Voilà. Ça veut dire en fait qu'il y a une profonde asymétrie entre le sujet et le monde. Hein, c'est ça que ça veut dire. Et donc c'est la prise en compte de cette asymétrie par la prise en compte de sa propre division subjective qui fait qu'on entre réellement dans la politique. Sinon, on est dans une sphère pré-politique qui se fait passer pour la politique, mais c'est justement la différence que fait Lacan avec une école et une société. Alors là, c'est le deuxième point. Mais il y a effectivement, on peut penser, je crois que Lacan le pense à ce moment-là, il dit qu'il n'y a pratiquement plus de liens sociaux, c'est-à-dire que quand on a parlé, et il est nécessaire d'en parler pour s'y repérer, de la théorie des discours, ben, il semblerait qu'on soit à une époque où ces discours ont été complètement télescopés, discours du maître, discours universitaire et même discours hystérique par le discours capitaliste. Ils ont été complètement avalés par cette chose-là. Ce qui résiste, c'est effectivement que la psychanalyse oppose à ça quand même un lien social à deux. C'est le seul discours qui fonctionne comme ça et qui fait, bon, faut pas trop en rajouter, mais qui fait quand même contrepoint et qui fait quand même résistance à ce discours capitaliste avec tous les moyens dont il dispose, y compris le fait que la science lui fournit des moyens d'évacuer la question du sujet, il n'y a qu'à voir les neurosciences, où de plus en plus on essaye de naturaliser les par-l'être et on finit par nous confondre avec des souris ou avec des rats qui pensent, qui éventuellement ont un langage, enfin toute une série de termes comme ça qui évacuent la dimension du sujet, qui est évidemment une énigme. L'énigme, c'est pourquoi nous sommes des par-l'être, ça on ne le sait pas très bien. À quel moment le langage est apparu, on ne le sait pas non plus. Il n'y a pas de réponse actuellement avec ça. Comment il vient parasiter le corps, on en a quelques données par la clinique, mais vraiment on ne sait pas pourquoi. Toutes ces choses-là restent des questions qui ne sont pas résolues, mais qui sont tout à fait centrales dans notre approche des choses, de la psychanalyse en particulier. Donc, la politique, c'est pas l'inconscient, ça veut dire qu'il ne s'agit pas de faire des interprétations sauvages ou lapsus éventuellement des hommes politiques, par exemple. Ça ne sert à rien. Surtout, c'est anti-psychanalytique. Ça n'a pas de sens. Degré, ça n'a pas de sens. C'est n'importe quoi. Vous êtes sûr que quelqu'un qui se dit psychanalyste et qui fait ça, c'est qu'il n'a rien compris à la psychanalyse. C'est très clair. Et on voit très bien une pente de ça. C'est qu'au lieu de débattre effectivement des choses de la politique, on fait une psychologisation de la vie sociale. On psychologise les faits humains par le biais de différentes disciplines que sont par exemple la sociologie en particulier, des choses comme ça. On appréhende ça du côté de la psychologisation et pas du tout du côté des ressorts réels du fonctionnement des discours. Je vais le dire un peu comme ça. C'est ça, on peut dire que c'est une aberration logique, c'est-à-dire que ce qui passe pour le plus logique, c'est-à-dire la science par exemple, la biologie, ça repose sur des statistiques, c'est-à-dire que ce n'est pas logique, c'est une rationalisation de résultats, mais il y a l'évacuation du problème logique, justement, de la présence du réel qui échappe à la causalité. Donc évidemment, pour un rat, il y a moins de chances d'échapper à la causalité, mais pour un être humain, justement, si on veut parler, de reprendre un tout petit peu le propos de l'autre fois, c'est-à-dire la causalité signifiante. En fait, la manière dont les causes déterminent des effets est tout le temps changeante. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir si une cause va avoir le même effet sur soi-même. C'est-à-dire dans telle situation, je vais d'habitude faire ça, mais là, dans une autre sphère, je vais soit faire ce que je fais d'habitude, soit, profitant d'être dans une autre sphère, provoquer un autre effet à la même cause, parce qu'il y a toujours une réflexivité de la cause sur le plan subjectif. C'est-à-dire que la cause ne sera que celle que j'aurai déterminée en tant que sujet comme étant ma cause. Et le sujet est ce qui échappe justement à la causalité. Alors évidemment, avec les souris, c'est plus facile de faire croire que ça fonctionne comme des souris. Alors après, il y a des statistiques sur les médicaments, etc. Ça passe pour le truc hyper carré, etc. Mais non, parce que logiquement, ça ne tient pas. Alors évidemment, quand logiquement ça ne tient pas, on ne peut passer que par l'absurde et proposer maintenant qu'ils fassent les mêmes expériences avec des éléphants. Donc là, ça serait plus problématique dans les poubelles des laboratoires si c'était des éléphants à la place des souris. Mais en fait, voilà, les souris, ça va. On ne voit pas qu'elles meurent. Voilà, on ne le voit pas. Le facteur létal des découvertes en neurosciences n'est pas pris en compte. Or, il y a un nombre très considérable, simplement, de souris qui meurent avant même d'avoir participé à des expériences, tout simplement parce que les animaux en captivité, ils sont stressés. Biologiquement, ils sont stressés. Ils ne sont plus comme ils sont d'habitude. Ils ne s'adaptent pas, les animaux. Ils ont une énorme difficulté à s'adapter. Même les plus proches des hommes, même ceux qui s'en approchent le plus, je parle des rats ou des souris éventuellement, quand elles sont captives, elles sont stressées. Alors un biologiste comme Jean Rostand, à l'époque, ça n'existe plus, des gens comme lui. Quand il voulait observer les animaux, il les observait dans la nature. Il ne faisait pas des expériences sur des grenouilles dans un laboratoire, il allait dans les mares en Bretagne, voir où il y avait des formes de grenouilles anomaliques, avec des dystrophies, avec des choses comme ça, pour étudier ça sans toucher aux bestioles. Quoi. Et ça avait une dimension complètement différente pour lui, ça apportait des éléments très importants, notamment sur, pourquoi pas, les ruches, par exemple, comment une ruche peut fonctionner, comment les abeilles produisent leur miel, comment c'est à partir de la nourriture des œufs qu'on va fabriquer des reines plutôt que des ouvrières, toutes ces choses-là qu'on a appris de ce côté-là, mais avec ce qui se passe dans les labos actuellement, on a affaire à des ignares, quoi. Ils n'utilisent absolument pas leurs moyens pour faire des découvertes qui nous intéressent. Mais d'autant que dans le règne animal, il est très clair, il suffit d'observer que l'environnement fait partie intégrante de la vie des animaux. C'est-à-dire qu'on va trouver tel type d'animaux dans tel type d'environnement, sous tel climat, avec tel taux d'humidité, etc. L'homme étant la seule créature sur cette planète à ne pas avoir d'environnement extérieur, donc, puisqu'il est parasité intégralement par le langage. Donc c'est le langage lui-même qui va déterminer comment il peut se situer par rapport à l'infini de ses espaces intérieurs, puisqu'il n'a pas accès à son corps autrement que par des représentations. Le fait de faire... C'est là qu'il faut faire la distinction. C'est-à-dire que il n'y a pas de la coupure, elle passe pas entre le psychique et l'organique, puisque on le sait depuis toujours, le psychosomatique c'est noué. Par contre, la distinction, donc ça veut dire que les animaux ils ont un psychisme, lequel, ça on n'en sait rien. On a beau faire toutes ces expériences, trouver quelques gestuelles ou quelques habitudes animales, pourquoi pas. Par contre, la coupure elle passe entre le psychique et le logique. C'est-à-dire que si les logiques font que on fonctionne d'une façon différente dans les différents discours. Quand on est dans le discours du maître, on ne fonctionne pas quand on est comme quand on est en analyse, par exemple. Hein, c'est des dispositifs de discours différents qui nous déterminent comme sujet de façon différente. Hein. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est ça. On peut dire même que, comme tu le dis, hein, guérir, c'est changer de discours. Voilà. Guérir, c'est changer de discours. Une bonne formule qu'on a d'ailleurs trouvée chez quelqu'un qui a justement fait une étude là-dessus. Voilà, on change de discours. Changer de discours, c'est ce qu'on a vu récemment avec de changer de discours, de se déplacer dans les discours. Voilà, c'est une question de place. Parce que pour en revenir aux animaux, donc les animaux sont assignés à une place. Il n'y a pas de place pour l'homme. Mais toutes les places sont potentiellement celle de l'homme, puisqu'il est déterminé par le langage. Donc la place, c'est aussi le problème du sujet, puisqu'il n'y a pas de place véritablement pour le sujet, puisque dans la chaîne signifiante, il saute de la chaîne signifiante. Donc il n'y a pas de place, il est représenté par un signifiant pour un autre signifiant qu'il ne représente pas. Donc il y a un creux, il y a un trou là, et à ce trou correspond un excès de l'autre côté. Mais il n'y a pas d'harmonie, c'est-à-dire on ne peut pas boucher le trou avec l'excès, puisque l'excès et le trou sont le recto et le verso d'une même réalité, on peut dire, là. C'est-à-dire quelque chose qui marche tout en étant troué, et donc avec des à-coups qui font que ça ne marche pas, et ça c'est le rapport réel. Donc aujourd'hui, quand on vous dit la psychanalyse prouvée par les neurosciences, ça c'est typiquement le genre de phrase qui ne veut rien dire du tout, parce que la psychanalyse ne peut pas être prouvée par quoi que ce soit, puisqu'elle n'est pas du domaine de la preuve. Puisque c'est ce qui fait sauter les preuves. Comme disait Braque, les preuves fatiguent la vérité. La psychanalyse est du côté de la vérité. Donc effectivement, ce qui est commun à la psychanalyse, c'est l'approche aussi bien religieuse que l'approche artistique, parce qu'il y a quelque chose à voir dans le rapport entre la vérité et le réel. Et ça n'a rien à voir avec les preuves ni avec les statistiques. C'est quelque chose de l'ordre d'un engagement subjectif. Donc, je ne peux entendre que si je me positionne moi-même du lieu d'où la chose provient. Sinon, c'est impossible. Donc, il y a de l'impossible. Cet impossible-là, c'est un des noms du réel. Il y a plusieurs acceptions du réel, mais ça dépend, bien sûr, de la position subjective qu'on prend par rapport à ce réel. Donc, on l'a vu dans Alien, tout à l'heure, on a une position du réel comme étant la pure substance de jouissance hors sens. Et la position subjective à ce moment-là, qui est le fait de ne pas entrer là-dedans, elle ne regarde pas. Elle est dans une intériorité. Cette intériorité-là, c'est un très très beau texte de Hegel qui avait déjà en 1850 absolument exploré et décrit ce phénomène qui s'appelle la nuit du monde, le sujet de cet ordre-là. Donc c'est ce dont parle Lacan. Alors comment, quand on est dans des considérations qui peuvent paraître aussi éloignées, abstraites et difficiles, pouvoir raccorder avec la vie de tous les jours, la réalité sociale, etc. Ça, c'est la difficulté, et c'est ce qu'aborde justement Lacan avec le discours et le fait de définir la psychanalyse comme un discours d'une autre consistance. Voilà, c'est ça le discours analytique, et au fond, il n'y a pas d'autre possibilité pour nous que de nous mettre au service de ce discours-là. Parce que c'est même pas le tenir, hein, c'est se mettre, essayer de s'y tenir, nous, dans ce discours-là, ce qui est un enjeu. Le cas de le dire, on peut écrire JE ou JEU, mais c'est l'enjeu. Et c'est l'enjeu qui est gommé en ce moment par tout le monde, y compris la plupart des psychanalystes qui sont devenus des boutiquiers. Hein. Quand il parle des institutions, là, bon, déjà, il en parle. Mais ce qui est justement, c'est là que c'est intéressant, parce que qui pointe ce discours comme un discours, un lien social à deux, contrairement aux autres discours, ce qui est même très intéressant, et il fait la distinction, à partir de son défaut qui est à la place du rapport sexuel qui n'existe pas, il dit qu'il n'y a pas de société analytique fondée sur le discours analytique. Donc l'organisation, il parle d'une école, lui. Alors l'école, il parle de la sienne, puisque ça a été finalement un des premiers à avancer le terme d'école. Après, il y en a eu beaucoup qui sont venus derrière inventer des écoles. Et lui, une école dans laquelle il y enseigne, lui, quelque chose. Alors, et il le précise très bien quand il dit que son enseignement est sans équivalent. Bien entendu, ça a été compris de travers. Ça ne veut pas dire que ce qu'il enseigne, c'est mieux que ce que les autres enseignent. Ça veut simplement dire que lui, ce dont il parle, il est le seul à en avoir parlé pendant très longtemps. Maintenant, c'est un petit peu différent parce que les gens travaillent et un peu partout, dans les groupes qui se réclament de cet enseignement, il y a quand même des points de convergence entre les gens. Mais voilà, une école qui est fondée sur ce que lui enseigne. Évidemment, quand il va conclure, vers la fin, en 78, que la psychanalyse est intransmissible, qu'est-ce que ça veut dire? Elle est intransmissible et en même temps, ça n'annule pas le fait qu'on enseigne. Et qu'est-ce qu'on enseigne? C'est une autre paire de manches, déjà. Ça, il touche à quelque chose d'essentiel à ce niveau-là. Non seulement elle est intransmissible, mais en plus, il faut que les analystes réinventent chacun la psychanalyse. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on ne va pas tous, les uns après les autres, inventer des nouvelles théories, produire des trucs. Ça veut dire que, dans la pratique, il faut que chacun se débrouille avec ce lien social à deux. Donc il va donner une précision d'ailleurs. Hein. Sa propre subjectivité surtout. Là, je voulais développer un truc à ce niveau-là, c'est que lien social à deux, il faut faire attention parce que ça fait appel à une référence au couplage. Et vous voyez arriver la question du transfert contre transfert. Or, justement, Lacan, il dit que ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il met en question, il dit que ce n'est pas une intersubjectivité, le discours analytique, puisqu'il y a une disparité subjective entre l'analyste et l'analysant. Si vous avez le schéma du discours, hein, comme on l'avait mis, disparité subjective, ça veut dire que dans le transfert, l'analysant, il est en position de sujet divisé, et l'analyste, il est en position d'objet pita tenant lieu de cause du désir. Donc vous voyez qu'il y a une disparité subjective. Mais il va compliquer ça, Lacan. Il va dire que c'est pas... Il va pas... Donc, le transfert, le contre-transfert, ça tient pas la route. parce qu'il n'y a pas d'intersubjectivité. Par contre, dire ça, c'est dire aussi que le transfert, ça peut être aussi bien celui de l'analysant que celui de l'analyste. Hein ? C'est très important. Donc l'interprétation analytique, elle porte dans le transfert, elle se fait dans le transfert. Mais il va en rajouter une louche, il va nous dire qu'au fond, l'analysant n'est pas soudé à l'analyste, ça ferait couple, si vous voulez, alors qu'il y a un manque de rapport sexuel à l'origine, il va dire qu'il se soude au couple analyste-analysant, ici. Vous voyez ? Donc il introduit, dans cette relation qui pourrait paraître duel, il introduit un tiers-terme. C'est-à-dire qu'au fond, le couplage analyste-analysant à ce niveau-là, c'est-à-dire l'analyste tenant lieu du savoir supposé qui est en fait celui de l'analysant, et l'analysant, il est un petit peu décalé par rapport à ça, il a affaire à ce couple. Donc, quelque part, il est en position tiers, et il peut effectivement interroger ce dont il s'agit dans les interprétations qu'on lui fait. Hein ? Voilà, c'est que je voulais dire ça. Ce n'est pas une position aliénée de suggestion, c'est une position interprétante. L'interprétant, au bout du compte, c'est l'analysant. Hein ? Faut le savoir. Même si c'est l'analyste qui interprète, c'est l'analysant qui est l'interprétant, parce que c'est lui qui reçoit et qui avalise la valeur de l'interprétation. Non pas au sens où il dit c'est ça qu'il fallait, c'était de ça dont il s'agissait, mais au sens que les effets que ça va produire dans son discours vont venir après coup confirmer le bien fondé des interprétations. Ce qui fait que même si l'analyste se trompe, ça peut arriver, c'est pas si grave que ça, parce que à condition qu'il accepte cette distribution des places, l'analysant va rectifier les choses, parce que si vous lui introduisez dans son discours des termes qui ne sont pas les siens, il va les rejeter. Progressivement. Il peut les accepter pendant un temps, mais quand il va revenir dans la répétition, il va pouvoir les rejeter et changer le cours des choses. Voilà, je voulais un petit peu dire. Vous voyez cette relation, donc l'histoire transfert contre transfert, ça ne tient pas là. Le contre-transfert, c'est une confusion de ce que l'analyste aurait des affects qu'il ressent vis-à-vis de son analysant. Bah, bien sûr qu'il en a. Et c'est pas l'enjeu des choses. Alors dans certaines écoles analytiques, le contre-transfert, ça veut dire que l'analyste un jour va dire à son analysant, d'ailleurs ils n'appellent pas l'analysant, ils l'appellent le patient. Alors que c'est un impatient, c'est pas un patient, c'est un impatient déjà. L'analysant, c'est un truc actif, il est actif. Il va lui dire, mais moi oui, c'est vrai, je vous ai aimé, quoi. Hein, en gros. Vous m'avez agacé. Vous vous rendez compte la confusion que ça peut entraîner, ce truc-là, quoi. Hein, voilà. Bon, je vais insister sur ce petit point-là. Donc, école, pas société. École, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui prend la place d'enseigner. Parce que lui, il y enseigne, il dit bien, parce que moi j'avais fait une confusion d'ailleurs à l'époque avec ce truc-là, c'est que parce que j'y enseigne quelque chose. C'est-à-dire qu'il a amené une matière, il a amené au moins quelques termes nouveaux. C'est pas sûr qu'il ait introduit des signifiants nouveaux, Lacan. C'est même probable que... C'est très problématique, il le dit qu'il n'a peut-être pas trouvé de signifiant nouveau, mais qu'il a introduit des termes nouveaux. Par exemple, le terme d'analysant, la langue en un seul mot, pour le distinguer du langage. Un certain nombre de termes, l'objectita qu'il revendique comme étant sa seule invention. Bon, voilà, moi je voulais dire ça là-dessus. Et ce qui m'intéresse, moi maintenant, là quand même, je vais continuer là-dessus quand même, c'est que il parle de son école et il la réfère curieusement à quelque chose qui serait dans le genre, comme il dit, de ce qu'ont fait les stoïciens. Alors, en général, nous, notre comprenoir actuel, on pense que les stoïciens, c'est des gens, on leur tape dessus et ils sont stoïques. Hein ? Et ils souffrent. Alors, il y a effectivement, je peux vous garantir, il y a de la littérature, je ne vais pas encore nommer les gens, mais il y a des gens qui disent carrément, ils écrivent des bouquins entiers, que l'analyste, il souffre avec son patient. Ah, mon Dieu, le patient, si jamais il a un analyste comme ça, il ne va pas s'en sortir. Bon, ben, il a plutôt intérêt à avoir un analyste qui est un peu au sec, malgré tout. Bon. Toujours est-il que la référence aux stoïciens, elle est énorme, quoi. Il dit tout simplement, c'est parce qu'eux, ils font la distinction entre le signifiant et le signifié. C'est fabuleux d'aller trouver ça chez les stoïciens. Faut pas oublier que Freud, il disposait pas du signifiant et du signifié. Il disposait pas non plus du terme de structure. Vous voyez, c'était... Saussure, à l'époque, n'était pas lu du temps de Freud, qu'on ne connaissait pas très bien, déjà. Vous voyez, des choses... Et alors, moi, j'ai trouvé ça aussi assez énorme, quand même, son respect pour le suicide. Là, c'est quand même une provocation très considérable de sortir un truc pareil, compte tenu que circulait dans les milieux analytiques le fait que les gens qui allaient chez Lacan, ils se suicidaient. Ben, c'était vraiment... On avait l'impression qu'il y avait des suicides. Et il y en a eu, comme chez pratiquement tous les analystes, ça peut arriver. Mais il pointe le truc que... Attention, mais le suicide, pas pour n'importe quoi. Hein, pas comme il le dit, pour un badinage. Donc, l'opposition de l'analyste au fait que quelqu'un se suicide. Il faut qu'il y aille, l'analyste. Quand quelqu'un lui parle de suicide, l'analyste, il a intérêt à aller très près voir ça, hein, et de prendre ça très au sérieux. Même à la limite, de dramatiser le terme qu'a utilisé l'analysant, hein, pour dire que ça, on rigole pas avec ce truc-là. Évidemment, il désigne comme type de suicide réussi celui de Socrate. Puisque Socrate boit la ciguë, il consent à mourir pour que la société vive, survive, que la cité survive, voilà des choses comme ça. Pas pour n'importe quoi. Très important. La référence aux stoïciens, c'est ça chez Lacan. Alors il y a toujours, on voit la dimension qui est toujours là derrière l'inconscience et la politique. Parce que c'est des questions dont on ne parle plus dans nos sociétés, ces choses-là. Hein. Prévention du suicide, des choses comme ça, mais c'est pas des débats autour des significations que peuvent avoir ce type de passage à l'acte. Hein. Voilà, ou du courage, ou d'un certain nombre de termes comme ça qui ne sont jamais discutés collectivement dans nos cités. Quoi. On peut le dire comme ça. Hein. Oui, le courage, la dignité... sont pas des valeurs reconnues en ce moment. C'est même l'inverse. Bon, alors... Alors il y a peut-être un petit coup de bâton sur le discours universitaire, ça fait longtemps. Il est là, le coup de bâton? Ben, quand même, il se moque bien des biologistes. Hein. Les savants qui s'impose l'embargo sur le traitement, parce que des fois que les bactéries passent sous la porte et mettent un terme définitif à toute l'expérience sexuée, hein, ça fait bien rigoler quand même. Parce que là, c'est la proximité donc du réel qui crée l'angoisse. C'est-à-dire d'un seul coup, bien qu'il n'ait... Alors, on ne peut pas leur en vouloir, c'est comme en médecine. En médecine, ils n'apprennent pas du tout, justement, la différence entre un signifiant et un signifié. Donc... très dur d'entendre quoi que ce soit si on ne fait pas cette différence entre la matérialité phonique, par exemple, une parole, et puis les effets de sens qui lui sont associés et qui sont différents entre celui qui écoute et celui qui dit, qui l'entend d'une autre manière, etc. Donc ces notions-là, évidemment, en science, non seulement ils n'en ont aucune idée, mais ils ne veulent pas en entendre parler, puisque ça repose sur l'évacuation du sujet divisé. Donc ça va être vraiment un dialogue de sourds. Hein. Donc on ne cherche pas à dialoguer quand on est dans un dialogue de sourds. On déploie une axiologie qui est une vision. Et puis après, comme dit Lacan, qui même me suivent, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de conviction. On n'est pas dans un débat politicien, parce que c'est même pas de la politique. C'est le service des biens, l'empire des biens dans lequel on est, on baigne, hein, on est dans le bouonisme absolu. Là, il faut tout prévoir, protéger, etc. Et en fait, c'est tout simplement le refus du réel et le refus de l'abîme de sa propre liberté qui est l'envers de la subjectivité. Parce que bien sûr que la liberté, elle est liée à cette position subjective de ne pas être déterminée par la chaîne de causalité. C'est le premier mouvement de la liberté. Or, nous sommes soumis à la possibilité de la liberté, ce qui est hyper anxiogène, bien sûr. Alors là, évidemment, les scientifiques, quand ils s'approchent de là sans le savoir, eh bien, ils manifestent le symptôme du réel qui est l'angoisse. Mais lui, il pointe un truc qui est quand même très, très pointu, là. Hein. Il parle des biologistes, et puis il va parler de l'eugénisme. Oui. Et de l'euthanasie, quand même. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les recherches biogénétiques, elles vont dans le sens de se dire, après tout, l'eugénisme, c'est peut-être pas si con que ça, hein. On va peut-être même se mettre à le faire, hein. C'est-à-dire qu'on va détecter des choses, et des sujets, qu'on va... Voilà, avec l'euthanasie à la clé, qui est quand même un débat actuel très difficile à aborder, parce que c'est vraiment... tout est fait pour nous convaincre qu'il faut y aller, quoi. Hein. Voilà, que le mal est quelque part présent dans les gènes, là. Donc, ce qui est on vraiment... va le détecter, donc on va faire des sélections de race. Hein. Voilà. Hein. Voilà. Il y a un film très bon sur ça qui s'appelle Bienvenue à Gattaca de Mike Nichols des années 90 qui traite du sujet particulièrement de manière brillante et en plus une qualité d'image, de réalisation remarquable. Sur le génisme, l'euthanasie, c'est ça. Alors, vous savez sûrement, en grec, ça veut dire bien. EU. Donc, voilà. Le service des biens. Le service des biens que remet en cause Lacan, justement, par la conjonction entre Kant et Sade. Donc, il faut bien comprendre l'envers du décor et l'envers de la subjectivité. Donc, ça veut dire. Sujet, assujettissement, c'est la liberté. Il faut s'y confronter à cette subjectivité. Et il n'y a pas que la psychanalyse. Il y a des gens qui font une passe, qui passent quelque part, en ayant traversé justement des zones extrêmement déstructurantes pour leur subjectivité et qui ressortent et qui ont passé. Donc s'il y a une impasse de la passe en analyse, parce qu'on voit très bien, parce que les gens ils parlent de la passe, mais il suffit d'écouter ce qu'ils disent, et de lire ce qu'ils écrivent pour voir qu'ils ne sont passés nulle part. Ils sont toujours dans le même discours et dans les mêmes considérations de réalité, de bien, etc. C'est des gens, des donneurs de leçons en permanence, donc là on voit très bien qu'ils sont passés nulle part, parce que il y a des gens qui n'ont pas fait d'analyse qui sont passés, il y en a beaucoup qui soi-disant pratiquent la passe, mais ils ont vraiment passé nulle part. Donc c'est pas, voilà, il ne faut pas se laisser abuser par ces choses-là. Ce sont des choses extrêmement subjectives et qui confrontent un réel. Et ça ne trompe pas, ça. Voilà. On pourrait peut-être discuter d'un passage qui est intéressant, c'est que Kant avec Sade et l'histoire de Français encore un effort pour être républicain. Alors il y avait quelqu'un qui avait lancé dans un colloque de l'école freudienne à l'époque, de l'école donc de Lacan, analyste encore un effort pour... lacanien encore un effort pour être psychanalyste. Oui, c'est ça. Alors, c'est intéressant l'articulation Kant avec ça, parce que Lacan dit que ça, c'est la réponse à l'impératif catégorique, en gros. Hein. C'est-à-dire que l'impératif catégorique, c'est le surmoi. Oui. Hein. Le surmoi, dont le commandement a été... explicité sans équivoque par Sade, à savoir jouir. Hein. Mm. D'où sort la formule du jouir sans entrave, alors que c'est impossible de jouer sans entrave, puisque c'est l'entrave qui fait qu'on peut jouir. Hein. Donc, avec comme le savent très bien les adeptes du SM. Alors, voilà. Oui, oui, effectivement, le fait que le sujet kantien soit dominé par un impératif. Dans le catégorique, hein. Oui, dans le Kant avec Sade, donc il y a l'exposition enfin clarifiée que la loi elle-même, en fait, est impensable sans son envers obscène qui est le surmoi et qui est un pouce à jouir en permanence. Donc et avec des commandements contradictoires. Donc, évidemment, la loi, on l'a vu, justement, elle est du côté du déterminisme et de la causalité. Mais quand tous ceux qui s'en réfèrent à la loi, etc., on a vu que le réel, c'est justement ce qui vient mettre en faillite la loi. Quand la loi fait long feu, forcément, puisqu'il manque un signifiant, donc ça ne peut pas être tout. À partir de là, Lacan dévoile l'arrière-fond en comparant l'œuvre de Sade et en montrant que, d'une part, Sade est la vérité de Kant, mais qu'aussi Kant est la vérité de Sade. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de se sortir de l'obscurantisme des Lumières, entre guillemets, puisque il y a une... les Lumières ont été éteintes rapidement. Et donc, il y a une possibilité de sortir de là par la confrontation du Kant avec Sade. Et effectivement, on pourrait dire lacanien, encore un effort pour être psychanalyste. Oui. On s'était arrêté là, hein, c'est ça ? Oui. En haut. Hein. Non, si elle est de trop, je m'excuse. Cette troisième, je la lis, etc., puisque j'ai voulu remettre le passage, tu sais, de la parole. Parce qu'en fait, il dit qu'il lit, mais en vérité, il parle. Puisque toi, tu y étais, non ? Ah oui, alors, peut-être je vais faire une autre aparté qui est... C'est avec le mangement d'Azaïn. Parce que ça, c'est un truc assez drôle quand même. Hein, mangement d'Azaïn. Parce que d'Azaïn, donc, ça vient de ces lettres-là. Alors après, les traducteurs, les philosophes ont traduit ça même par être le là. Et c'est un terme qui a été notamment repris de manière très précise par Heidegger. Et Lacan était au début, en tout cas, enfin même, il est resté très très reconnaissant, bien qu'il ait fait la part des choses et qu'il ait compris l'impasse de Heidegger, mais justement, la notion de Dasein, d'être là, lui, il régresse, en quelque sorte, Lacan, par rapport à l'émergence de cette notion de Dasein pour revenir au sujet cartésien. Donc, le sujet divisé, etc. Et donc là, pour finir peut-être sur une note d'humour, après on parlera un peu, on discutera un peu. Donc, on peut dire que, justement, lacanien, encore un effort pour être psychanalyste, on peut conseiller à ceux qui se sentent visés par cette parole de voir le film Le silence des agneaux. Hein. Parce que le silence des agneaux, on peut dire que Hannibal Lecter est le représentant du psychanalyste lacanien dans toute sa représentativité dans l'opinion courante. Explique un peu plus quand même. Là. Ben disons, il non, parce est, que j'ai il un est... qui me, quand il m'écrit, il m'appelle Tonton Hannibal. Alors moi, je pensais à l'Hannibal qui avait ses éléphants. Hein. Je pensais pas à autre chose. Mais je me disais, c'est quand même bizarre. Tu n'avais pas vu la ressemblance avec Hannibal Lecter? Non, parce que je ne suis pas allé le voir, ce film-là. Sinon, des agneaux, je ne suis pas allé le voir. Alors, c'est parce que dans l'histoire, donc Hannibal Lecter est un psychiatre. Et en fait, il a la manie de dévorer certains de ses congénères. Hein. Et donc, une jeune enquêtrice, donc prometteuse du FBI, donc se voit promue à devoir rencontrer Hannibal Lecter dans sa prison, etc. Et là, c'est vraiment l'acte psychanalytique par excellence. C'est-à-dire qu'en fait, Hannibal Lecter, qui quand même, au passage, force son co-détenu, juste par quelques paroles, à se suicider, une espèce de psychopathe extrêmement dangereux, donc il a une espèce de puissance de parole particulière, et toutes les conditions sont aménagées pour que vraiment il ne touche personne, il ne voit personne, personne ne peut l'approcher, etc. Donc elle est de l'autre côté. Et le deal qu'il passe avec Clarisse, ça s'appelle dans le film, Jodie Foster, c'est qu'elle doit lui livrer, pour que lui l'aide à comprendre comment fonctionne le tueur en série qui découpe ses victimes en ce moment, etc., et qui est absolument irrattrapable. Tout le monde se doute que lui, il sait comment faire, donc sujet supposé savant. Et elle, il lui propose ce deal-là, en fait, c'est qu'il va l'aider à condition qu'elle lui offre son fantasme fondamental. Son fantasme fondamental, c'est le silence des agneaux. C'est-à-dire que c'est un souvenir d'enfance, il a fait parler, et c'est à partir de ce moment-là, en fait, le retour du traumatisme, qu'elle cristallise sa possibilité d'accès à la réalité à travers ce fantasme, et elle lui offre ce fantasme fondamental, son fantasme. Et bien sûr, à la différence de d'Hannibal Lecter, c'est que un psychanalyste est encore plus cruel que ça, puisque il faut le payer et apporter vous-même sur le plateau votre propre fantasme fondamental. Voilà. Donc Hannibal Lecter, on peut dire que ça représente vraiment le psychanalyste lacanien dans toute sa logique absolue, son implacabilité. Et sa gestion du côté inhumain, puisque l'autre, là, l'autre est vraiment pris dans sa radicalité absolue, c'est-à-dire ce qui n'est même pas humain. Voilà. Oui. Alors, je ne sais pas si certains psychanalystes avaient arrivé de leur analysant Hume, leur entrée, comme Hannibal le fait dans le film, à propos de Clarisse. Je voulais, en fait, par rapport aux quatre discours, si guérir, ce serait changer de discours. Je me posais la question quand même de est-ce que guérir, ce ne serait pas au moins, compte tenu du discours du capitalisme, de pouvoir naviguer de l'un à l'autre. Voilà, j'aurais voulu vous entendre là-dessus, parce que finalement, si j'ai bien compris, chaque discours a aussi, parce que tu semblais assez content de rappeler que Lacan tape sur le discours de l'université, mais chaque discours a son éthique. Oui. Donc, parce voilà. Que j'étais content parce qu'aujourd'hui, le discours d'université est ultra hégémonique, dominant et soutient la logique capitaliste à fond. Donc c'est en ça où je veux vous rappeler, mais sinon oui, la vraie logique universitaire a sa propre éthique et le sujet pris dans ce discours-là est obligé de prendre un certain risque pour suivre voilà, cette éthique-là. C'est surtout ça que je... C'est sur tout ça que j'aurais aimé vous entendre quant à la navigation d'un discours à l'autre et tout particulièrement par rapport au discours du capitalisme qui est hégémonique. Et... Le changement de discours, bon, ça c'est la matrice des discours, mais il y a des intermédiaires, hein, puisque le discours du capitalisme n'est plus un discours, puisque justement il a rompu les liens d'impossibilité, donc de ce qu'il y a de réel dans chaque discours, et tout est possible puisqu'on tourne en rond toujours dans le même truc. Ça, c'est déjà un premier point. Donc, changer de discours, c'est aussi une façon de trouver, par exemple, rencontrer une femme. Pour quelqu'un qui n'arrivait jamais à rencontrer une femme, et donc pourquoi pas faire sa vie avec. Je dis ça tout simplement. C'est ça un changement de discours. Hein. C'est-à-dire que ce ne soit plus un symptôme, c'est autre chose. Il y a quelque chose qui se construit. Bon. Donc, les quatre discours, ils ont une éthique propre. Mais, évidemment, la position de Lacan, et pour moi, c'est très compliqué d'ailleurs à comprendre, il tire à boulet rouge constamment sur le discours universitaire, et surtout à partir de la réforme de 68, où ont été introduits dans le découpage du savoir enseigné à l'université, ce qu'on appelait les unités de valeur, c'est-à-dire qu'on tronçonne le savoir en unités de valeur. Autrement dit, du coup, le savoir, il n'a plus de consistance, puisqu'il est coupé en morceaux. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout savoir, mais l'université avait à l'origine une fonction de faire des presque débiles, on va dire ça comme ça, quand on est un peu débile, quand on est très jeune, on est un peu débile, quoi. Par rapport au savoir, hein, pas par rapport à d'autres choses. Il faut apprendre, il faut acquérir le savoir et donc se constituer éventuellement, pourquoi pas, comme citoyen ou comme chose comme ça. Est-ce que maintenant, l'université a cette fonction-là? Est-ce qu'elle n'est pas en train de fabriquer des employés munis d'unités de savoir qui vont le... Elle, c'est pas du... Donc, le discours universitaire, c'est ce qu'on en parle maintenant, c'est peut-être pas du tout celui que Lacan essaye de dire, voilà, s'il y avait un discours universitaire et qu'il avait une éthique, il fonctionnerait de cette façon-là. Hein, c'est-à-dire que il est commandé par le signifiant maître et non pas par l'entreprise. Il dispose d'un savoir qu'il enseigne à un sujet, à l'étudiant pris comme dans son être de jouissant, c'est-à-dire l'étudiant qui vient pour apprendre, et il en formera un sujet. Il en fera un sujet, quelqu'un qui sera bardé de savoir, enfin qui aura du savoir. Formation des sujets. Alors, est-ce que maintenant ça fonctionne comme ça ? Alors, justement, la perversité qui est liée à ce discours-là maintenant, c'est de se faire passer pour objectif. Et objectif, ça veut dire, dans l'esprit de ceux qui le disent, ça vaut pour tout le monde. Et c'est une neutralité. C'est genre la science a montré que, a démontré que, etc. Mais en vérité, ça fait disparaître le signifiant maître. C'est-à-dire que ça sert in fine toujours un maître. Et ce maître-là, c'est souvent donc les sociétés. C'est-à-dire que ce qui domine quand même, si on pousse la logique assez loin, est-ce qu'un laboratoire médical peut avoir comme finalité dernière la santé d'une population ? C'est impossible. Puisque ce qui fait son activité même, c'est... le fait que la population ait besoin de consommer des substances et des produits, des médicaments. Donc, il y a quelque chose qui se cache dessous, c'est derrière cette apparente neutralité qui s'appelle aujourd'hui objectivité, preuve scientifique, etc., il y a un sujet, un signifiant maître qui se cache, voilà, qui est souvent l'argent. C'est-à-dire que si tout le monde va dans les neurosciences, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que c'est là où tous les budgets sont accordés. Aujourd'hui, si on veut avoir des budgets, c'est pas en faisant de la psychanalyse, hein. C'est en allant du côté des neurosciences. Alors après, ça se fait passer pour l'humanisme, le buonisme toujours, hein. C'est bien pour l'humanité, pour les gens, etc. Mais il y a quelque chose de faux là-dedans parce que le sujet en est évacué. Celui qui est en position d'énonciation ne prend pas en compte sa propre énonciation là-dedans. C'est comme s'il était neutre. Comme j'ai eu un commentaire l'autre fois, les biochimistes ont montré que... Ils montrent que ce qu'ils voient eux-mêmes à travers la fenêtre de leur propre fantasme. Ça, c'est la position psychanalytique. C'est qu'il ne peut pas y avoir... nous sommes tous des épars, des assortis. Il n'y a pas quelque chose qui vaille pour tout le monde. Donc, la psychanalyse, en tant que science du particulier, va s'inscrire violemment contre, justement, cet abus, parce qu'il fait passer une position de neutralité qui est abusive, qui ne reconnaît pas les intérêts qu'il sert, tout simplement. Voilà, ça, c'est le coup porté au discours universitaire. Si vous n'allez pas dans le sens des labos, et que même une découverte va... contre le sens des labos, et il n'y aura plus de financement, c'est clair. Il ne peut pas y avoir de vérité là-dedans. C'est pas possible. Oui. Je vais rebondir un petit peu là-dessus et faire le lien avec quelque chose qu'on a dit un petit peu plus haut. Notamment donc entre le rapport entre le discours universitaire et le discours d'analyste, et donc la question de la transmission de la psychanalyse et de la question des sociétés analytiques et des écoles de psychanalyse. Ce qu'on a dit par exemple, c'est que ce qui fait la différence avec l'école, c'est qu'il y a ce quelque chose qui s'y enseigne. Et le fait d'enseigner n'a rien à voir avec le savoir, parce que c'est quand même ça la question qui est au milieu, et donc c'est aussi la différence entre l'enseignement et la question de la transmission. Et donc on pourrait faire de la même façon qu'on fait l'opposition entre les écoles de psychanalyse et les sociétés de psychanalyse, on pourrait faire la différence entre le savoir qui s'y enseigne dans les écoles de psychanalyse et la connaissance qui est censée se transmettre dans les sociétés analytiques et qui, de ce point de vue-là, sont beaucoup plus proches du discours universitaire, dont c'est la substance et la fonction. Et donc, par rapport au savoir, donc, qui ne se transmet pas, mais peut s'enseigner, je ferai un lien aussi avec quelque chose que tu as dit, Christian, qui m'a intéressé. Tu as parlé justement du seul rapport qu'on pourrait faire avec ce qui essaye de passer dans la psychanalyse, c'est les choses artistiques. Et donc, moi, ça me fait tout à fait penser au guet-savoir nietzschéen, où c'est exactement ça. Soler, d'ailleurs, parle de ça par rapport à l'enseignement de Lacan. Il lui dit, je ne sais plus où ça dessine la nervure d'un guet-savoir. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de ça au centre, et qu'il y a une confusion très souvent, justement, du fait de vouloir faire rentrer la psychanalyse dans l'université, de la mettre du côté d'une accumulation de connaissances, que dans ce cas-là, on peut se concerner effectivement des disciplines, des unités de valeur, etc., mais qui n'a rien à voir avec un savoir et son enseignement, voilà, dans cette opposition avec la connaissance et sa transmission. Et puis, deuxième chose aussi, sur le rapport entre la statistique et l'individu, ou entre le psychique et la logique, ces deux choses-là. On a eu plusieurs comme ça, coupures, on a mis en valeur plusieurs coupures qui en fait sont organisées autour des mêmes phénomènes, quoi. On a parlé de la coupure entre le sujet et la jouissance, donc le psychologique. Et donc par rapport aux statistiques, je pense que justement on a changé la définition de l'individu, et je pense que ça pose pas mal de problèmes, moi je le constate quand je parle avec des gens où on s'aperçoit finalement, même en termes de terminologie, on parle pas la même chose, parce qu'il y a cette idée maintenant que l'individu, c'est un segment de population statistique. Mmh. Et ça, moi, je trouve que c'est terrible, d'un point de vue de l'éthique, c'est terrible, mais c'est ça, c'est-à-dire on pense que comme on a déterminé, donc justement, des connaissances, à partir de la factorisation d'une somme de sujets, on va dire, on obtient donc un résultat statistique. Et donc ensuite, à partir de là, une fois qu'on a une moyenne, si on le redivise, entre guillemets, par le nombre de sujets, on obtient un individu. C'est-à-dire qu'il va répondre à ces connaissances qu'on le détermine comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'on part de la parole des sujets, et puis on en fait une somme de connaissances, et en la divisant par le nombre de sujets interrogés, on obtient des individus qui sont déterminés par les modalités de ces connaissances. Et donc, justement, c'est la grosse différence avec la question du savoir, qui, justement, n'est pas divisible et qui se rapporte à la position subjective, c'est la seule définition qu'on peut donner du sujet, c'est ça, c'est une position par rapport au discours qui s'oppose à la jouissance. C'est ça. Voilà. Et donc, l'individu, c'est exactement le contraire. Alors que, normalement, ça devrait répondre à cette définition, c'est-à-dire le rapport du sujet à la jouissance. Et en fait, actuellement, c'est devenu exactement le contraire du fait de l'impérialisme du discours capitaliste qui vient de la perversion du discours universitaire. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec le fait de dire que celui dont Lacan parle, c'est pas le même. Et justement, ce qui fait la différence, c'est son éthique, qui a disparu en tant que tel. On peut dire aujourd'hui que l'individu, c'est vraiment, étymologiquement, l'inverse absolu du sujet. L'individu, c'est celui qui n'est pas divisé, et le sujet, c'est celui qui est divisé. Donc, il n'y a de sujet que divisé. Donc, quand on parle d'individu, parce que la formule, c'est le collectif n'est rien d'autre que le sujet de l'individuel. Donc, il y a cette dimension d'individuation qui est à l'œuvre, mais qui ne peut se trouver que par la mise en place de son propre collectif, selon le protocole rappelé par Patrick au début, c'est-à-dire que le refoulement, c'est ce qui crée la société et pas l'inverse. Et donc, à partir de là, on rentre dans la politique en tant que sujet. Et donc, on n'est plus dans l'individu, sinon on est dans la statistique, on est dans l'économie. C'est pas du tout la même chose, on ne parle pas des mêmes choses. On est dans l'utile, et pas dans le fruit, au sens de Saint-Augustin, le fruit qui est la jouissance, et l'utile, et alors donc ça donne, au point de vue juridique, l'usufruit. Et l'usufruit, c'est une tentative de normer la jouissance, c'est-à-dire que vous avez la jouissance des biens, et vous n'avez pas le droit de les détruire. Hein, vous n'avez pas le droit de les dilapider, en gros. C'est ça la définition, où ça se conjoint. C'est des définitions, toutes ces définitions statistiques, c'est quand même des tentatives de trouver des normes sociales. Hein. Voilà, changer de discours, par exemple, je sais pas, il m'est arrivé d'avoir un étudiant qui me dise il y a beaucoup de chômage dans notre activité, etc. Et là, je me dis, mais libre à toi de te considérer comme une statistique. Mais tu n'es pas obligé de te considérer comme une statistique, c'est-à-dire d'appliquer les commandements statistiques du discours dominant. C'est-à-dire qu'il peut envisager le travail de manière radicalement différente. Voilà. Là, il y a une possibilité de changer de discours aussi. C'est pas forcément... Alors, bien sûr que ça peut aider de connaître le fait que le discours est lié à quatre éléments et au changement de place. Effectivement, tomber amoureux, parce qu'on a parlé un peu, ça fait changer de discours. Patrick faisait référence aussi à... aux trois discours qui suivent aussi. Enfin, oui, moi, chez Lacan lui-même, oui, il rend un peu caduc, justement. Oui, enfin, moi, je pense qu'effectivement, quand même, ces mathèmes, il finit... Il les rejette pas, mais il finit quand même par... Il n'a fait plus aussi référence que ça aux quatre discours, parce que c'est les mathèmes, donc l'intégralement transmissible. Il renonce à ça, avec l'arrivée du nœud borroméen. Il se trouve, justement... Le nœud borroméen est intéressant pour lui parce qu'il résiste à la mathématisation intégrale. C'est-à-dire qu'il y a toujours de l'entre-deux, il y a toujours de l'équivoque, c'est pour ça qu'il développe les théories de la langue et toutes ces choses-là, hein, qui changent complètement. Changement de discours, c'est quand même le gros changement de discours, c'est quand quelqu'un vient voir un analyste, quoi, hein. Parce qu'il est venu, il est conditionné, on est tous comme ça d'ailleurs, conditionné par les discours qui nous ont fabriqués, et on vient vous proposer un truc absolument invraisemblable. On va vous dire, écoutez, venez, tout ce que vous dites, c'est vachement important, et c'est même essentiel. Évidemment, c'est quand même un sacré changement. Les analysants qui viennent, ils s'en aperçoivent très vite. Je dis, mais alors, si vraiment ce type-là me dit ça à moi, alors celui-là, je vais l'aimer quand même, et je vais faire quelque chose avec lui. Hein. Et c'est quand même ça, l'amour de transfert. Hein. Je l'aime, celui qui me dit que tout ce que je dis, c'est très important, et c'est du sérieux en plus. Alors, l'histoire du gai savoir, je suis un peu plus nuancé avec ça, parce que le savoir, c'est pas toujours très gai, en fait. Le désir non plus, il n'est pas toujours désirable. Des fois même, il est assez infernal. Il suffit de voir Antigone, elle se marre pas beaucoup, Antigone. Hein. Elle n'a pas beaucoup d'humour, hein, je trouve, moi. Hein. C'est pas terrible. Il suffit de voir déjà que le gai savoir vient de Nietzsche, quoi. Je veux dire, déjà, à partir de là, Lacan, il dit pas ça à lui. Il parle du bien-dire, lui. Mm-hmm. Hein? Le bien-dire, c'est pas dire des belles choses, c'est pas écrire des choses bien, mm-hmm. C'est que les choses sont nommées au plus près de ce que peut être le réel pour chacun. Hein? C'est bien dit. C'est pour ça que dans les cures, quand on intervient auprès d'un analysant en lui disant « parfait », évidemment, ce qu'il raconte, c'est pas parfait. Ce qui est parfait, c'est qu'il l'a dit, et qu'on ne lui a pas fait dire. Et que ça, il le repère petit à petit, que c'est ça où il s'agit. Que l'analyste, il écoute son discours, et il intervient dans son discours. C'est ça, hein, l'unétique du bien-dire, c'est pas du tout pareil, c'est pas tout à fait pareil que le gai savoir, hein. Moi, je. Oui, hein. Mais enfin, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rigoler quand même, parce que malgré tout, les jeux de mots, les lapsus, les équivoques, les actes manqués, parfois c'est assez drôle. C'est quand même pas par hasard que Freud, au début du 20e siècle, hein, c'est ça, 20e siècle, pendant que tous les savants se bousculent avec les machines, avec la machine à calculer, avec tous ces trucs inouïs, le montée de la science, l'industrie et tout, lui, il étudie quoi? Le mot d'esprit, le rêve et les psychopathologies de la vie quotidienne. Vous imaginez, dans la cité de Vienne, le type, il passait pour un guignol, quoi. Hein, maintenant, on a compris que c'était pas n'importe quoi, mais il faut voir ce que ça veut dire. Et même maintenant, ben, c'est un peu disparu, mais enfin quand même, les gens parlent de Lacan comme d'un charlatan. C'est un charlatan. On peut rigoler en disant, ben oui, charlatan, c'est celui qui parle, hein, il parle. C'est ça le charlatan. Un charlard, on parle. Ben oui, c'est une pratique de la parole. Ça peut paraître désuet pour ceux qui font taire les gens, notamment dans les neurosciences. De la médecine autrefois, elle se pratiquait avec la parole. Quand on recevait un patient, on l'interrogeait et on faisait le diagnostic déjà sur la façon dont il décrivait son mal, avant même de l'avoir touché. Après, on le touchait, bien sûr, on l'examinait. Maintenant, les médecins, ils ne parlent pas avec leurs patients. Tout de suite, ils font la batterie des examens complémentaires, IRM à la clé et tous ces trucs-là, et puis ils vont le prendre dans un protocole thérapeutique, par exemple. Hein. Alors, quel est le statut de l'université actuelle? Comment ça fonctionne? Moi, ce que j'en entends, moi, je suis bouleversé d'horreur. Hein, je vais mieux vous dire que la façon dont j'entends parler de la psychanalyse à l'université et des dégâts que ça fait sur les étudiants, c'est invraisemblable. C'est absolument invraisemblable. C'est, à la limite même, je comprends même pas comment des analystes qui enseignent la psychanalyse à l'université et qui s'en cachent pas, ils le font vraiment, comment ils peuvent s'autoriser à dire que Lacan est un charlatan, même s'ils, surtout quand ils ne l'ont pas lu en plus, et qui interdisent à leurs étudiants de l'étudier, et qui disent Lacan, il avait des suicidés chez lui, il avait ci, il avait ça, il pensait qu'au pognon, des trucs comme ça. Comment on peut s'autoriser à dire des trucs pareils, par exemple? Oui. Hein? Sans compter que c'est aberrant de penser qu'on puisse faire une psychanalyse pour devenir psychanalyste. C'est comme si on faisait de l'art pour être artiste aujourd'hui. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de bon sens, comme disent les Québécois. Donc, non, parce que c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un désir. Ce désir-là, après que l'on soit obligé de se rendre compte qu'il y a une dimension dans l'analyse où, qui requiert notre participation, c'est quelque chose. Mais, comme disait Artaud, on ne fait de l'art que quand on est poussé à le faire pour sortir de l'enfer. C'est pas de l'art pour devenir artiste et s'exhiber sur TF1. C'est pas de l'art. C'est de la même, la psychanalyse, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une psychanalyse pour devenir psychanalyste. Qu'on devienne psychanalyste après avoir fait son analyse, c'est autre chose, mais ça ne peut pas être une visée. C'est déjà perverti au départ. Et aujourd'hui, c'est ça qui est sous-jacent. C'est-à-dire que les gens s'inscrivent en psycho pour devenir psychanalyste. C'est bien. Ouais, c'est cool, psychanalyste. Alors, non, c'est pour répondre à un, c'est qu'effectivement, il semblerait que moi, je le repère comme ça, mais je dois dire que finalement, on ne le développe pas trop, mais il le redit là à nouveau. Et il dit que quand même, il y a les trois grands discours dominants actuellement, c'est celui de la religion, de la science, et disons de la psychanalyse qui est un peu prise entre les deux. D'un côté, elle dépend du réel qu'invente la science. Et on voit bien que la bataille de l'autisme a été perdue par les analystes. Hein? Ils l'ont perdu, ils n'ont pas encore compris qu'ils l'ont perdu, la bagarre. Tout simplement parce que le terme d'autisme, il ne fallait pas le faire rebondir. L'autisme, c'est la réduction de auto-érotisme. Bleuler l'a utilisé parce qu'il pensait classer l'autisme à l'époque comme étant ce qu'on pouvait appeler la démence précoce ou la psychose infantile. Il n'avait pas saisi encore le truc, mais il disait que ça avait une origine biologique, comme on pensait ça de la schizophrénie. Freud, il prend ça, il dit, bon, ben, puisque c'est organique, moi j'en parlerai pas. Mais il n'était pas con, Freud, il savait très bien de quoi il s'agissait. C'est-à-dire qu'il disait, moi je ne cautionnerai pas le terme d'autisme dans le vocabulaire de la psychanalyse. C'est tout. Ça reste. Bon, ça c'est une question. On l'a perdu, cette bataille-là. Et la bataille de la psychanalyse dans la société, c'est pas sûr que la psychanalyse, elle est gagnée par rapport aux neurosciences et à la demande sociale. Hein. C'est pas sûr du tout. Ben le même rapport de force est. Mais oui, c'est pas sûr du tout, ça. Alors, cette histoire de. Moi je trouve que c'est très innovant chez Lacan de situer. La psychanalyse entre science et religion, en disant que, après tout, la science, on va s'appuyer contre, au sens où on va s'appuyer comme contre un mur, et on va pousser les savants à nous dire qu'ils prennent en considération le sujet. C'est ce que, par exemple, Étienne Klein, qui est venu parler dans les forums de la théorie des quantas, et qui dit que au fond le IX là qui a trouvé ce fameux boson, bon, ça fait 45 ans qu'il avait fait des calculs, parce que c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est en ce sens-là que le discours de la science, à l'origine, c'est le discours d'hystérique. C'est-à-dire que lui, il invente comme sujet, en faisant des calculs, qu'il y aurait peut-être une molécule qui a pu, vu ses calculs, qui existe, s'appelle le fameux boson. Il a fallu 45 ans, plusieurs milliards d'argent pour construire ce fameux truc, pour finalement... Accélérateur de particules. L'accélérateur de particules, 50 km à la ronde, 300 000 km, on fait bouter les trucs et on fait apparaître le fameux. Il existe, il ne sert à rien, mais il existe. Le boson, il existe. Donc, on voit déjà l'intérêt. Et ce type-là dit qu'au fond, il l'a dit explicitement dans cette interview qu'il a donnée. Il a dit, mais oui, c'est parce qu'il l'a soutenu de son désir pendant 45 ans, envers et contre tout. Et il dit, et c'est vrai, comme ça fonctionne comme ça, dans la théorie des quanta, donc ce qu'il y a de plus pointu du point de vue de la science, disons, des atomes, en gros, hein, des particules. Il dit que c'est comme ça que ça procède. Des types inventent des trucs et pensent qu'il y aura ça qui va fonctionner, que c'est ça, on va un jour le trouver. Et le jour où l'expérience peut... le produire, le phénomène qui a été calculé par des ordinateurs, par le savant, à ce moment-là, la théorie est bonne. Si c'est pas bon, on jette la théorie et on change de paradigme et on avance comme ça. C'est quand même nouveau. Donc, même la science moderne ne repose plus que sur l'empirisme. Elle repose sur la réflexion d'un sujet, le savant, comme le dit Lacan, le savant en position d'hystérique, c'est le discours d'hystérique, c'est un des piliers du discours scientifique, ici, et puis quand on est dans l'accélérateur de particules, dans l'hystérique, c'est là, voilà. Et quand on est dans l'accélérateur, on se trouve dans le discours universitaire. C'est-à-dire que pour confirmer que l'hystérique a bien trouvé le truc, a bien inventé quelque chose, il faut des milliards et des dizaines de milliers de gens qui bossent pour pouvoir le considérer. Ça, c'est quand même une formule très intéressante quand Lacan dit, effectivement, il faut insister sur la considération du sujet dans le discours de la science. Religion, maintenant. Entre science et religion. Alors là, il se trouve devant la religion, et il dit, attention, la religion, c'est pas de la rigolade, surtout que la religion catholique, alors il la qualifie de la vraie religion, c'est la vraie religion, pourquoi? Parce qu'elle se déclare comme telle. Hein, c'est pas compliqué. C'est la vraie religion parce que c'est vrai, c'est comme ça. Et c'est prouvé, en gros c'est prouvé. Le Christ, il a transformé le pain et le vin en son corps et en sa chair, hein, et c'est vrai, on ne peut pas le discuter, c'est la vérité, c'est le fameux dieur qui, même s'il raconte des mensonges, c'est toujours vrai, hein, c'est le dieur de... Oui. Et Lacan dit, attention, mais c'est que si jamais, entre la psychanalyse et la religion, parce que Freud pensait que la religion allait être évacuée par le discours de la science, à venir d'une illusion. À l'époque, il n'avait pas encore vu les dégâts que pouvait produire le discours de la science, qui sont quand même d'évacuation du sujet. Il n'avait pas vu les dégâts, les ravages du discours de la science qui rendent l'air irrespirable. On l'a vu il n'y a même pas une semaine dans Paris. Hein. Mais on sait ce que ça veut dire. Voilà. On l'a vécu, ça. Mmh. C'est du réel. Mmh. Bon. Il dit, attention, il faut quand même que, comme on a affaire au discours au réel de la science, la religion lui donne du sens. Et d'ailleurs, effectivement, le pape est de plus en plus progressiste, de plus en plus libéral, de plus tout ce que tu voudras. Et donc, il faut que la psychanalyse, elle surnage entre les deux. Sinon, si elle réussit, elle va être évacuée. Hein, elle va disparaître comme toute vérité qui est interprétée. Donc, il a une position comme ça entre les deux. Et alors, moi, je pense que c'est très important qu'il puisse associer ces trois discours à partir de leur nouage borroméen, comme je l'avais dit la dernière fois. C'est-à-dire la référence à cette nouvelle structure qu'il utilise pour parler de la psychanalyse, de ce qu'il découvre dans sa pratique. Une fois de plus, il est à la pointe de la chose, parce que quand il a parlé de la théorie des nœuds à l'époque, ça n'était pas encore développé, et que déjà à l'époque, il disait des choses sur les quantas à ce niveau-là. Il parlait de psarticules. Les autres, ils ont trouvé une molécule qui s'appelle le psychon, par exemple. est une invention, qui est une invention d'un savant. C'est le psychon. Non, mais il est allé à Saclay pour parler de ça, avec la psarticule et tout. Ça n'existerait pas s'il n'y avait pas ça. Hein. Voilà. Donc, on voit là, c'est intéressant ce dialogue entre ces trois grands discours, qui sont des nouages borroméens. Les Vosgires, parce que je l'avais un peu montré là, RSI, SIR, IRS, comme ça, que ça tourne et que c'est pris dans la structure borroméenne, qui serait probablement la structure du sujet tel que nous sommes. Ce n'est plus simplement, alors là pour revenir avec l'individu, le sujet ce n'est plus seulement le sujet du signifiant, qui serait un sujet de pure logique et qui a été poussé à bout avec... jusqu'au bout avec la théorie des jeux, nous ne serions que les jouets de jeux de l'être. C'est un peu vrai, mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a la jouissance quand même, qui peut se mettre un peu en travers de la logique, qui peut même la bousculer. Et voilà, moi je trouve qu'il y a des ouvertures comme ça possibles dans la discursivité, quoi. Hein, voilà, c'est... Et tout ça à partir de la clinique. Il faut absolument que c'est une pratique. Alors quand on voit les neurosciences, tu dis, mais oui, mais le livre noir de la psychanalyse, c'est pas une science. On a envie de leur dire, mais mon pauvre ami, ça fait 30 ans qu'on dit que c'est pas une science. Hein? Ils nous disent, c'est pas une science. Non, c'est pas une science, c'est une pratique. Discursive. On parle que des rêves, que des mots d'esprit, que des actes manqués, que des trucs absolument inutiles, quoi, en gros. Mais ce qui ne va pas, hein? On parle de ce qui ne va pas. Tandis que le discours, justement, à la fois de la science, c'est le forçage vers « ça doit aller », et la religion, c'est pour expliquer que finalement, ça a du sens, tout ça. Donc, c'est deux, entre les deux, là, ça va. Et la psychanalyse s'occupe de ce qui ne va pas, voilà. Et si vous êtes un peu honnête avec vous-même, comme rien ne va, il y a des choses qui ne vont pas. Hein, on est bien obligé de reconnaître que, hein, comme rien ne va, la psychanalyse a de l'avenir, à condition qu'elle fasse pas la conne aussi. Hein. Pardon. Ça vaut plus sur qui. Et je pense que dans ces quatre discours, chacun rêve dans ses discours. On a beau dire, on a beau parler, on a beau dire quelque chose, de toute façon, c'est comme s'il y avait. La science, bon, j'ai envie de dire la science, parce que pour moi c'est la science, ne veut pas voir. Enfin j'aurais beaucoup de choses à dire parce que je suis étouffée de plein de choses. Mais quand vous avez parlé de la souris, je voulais, ça m'a fait sourire parce que dans un UFR qui s'appelle Science Exacte, là ça fait depuis une semaine parce que moi j'aime bien tourner, j'aime bien regarder un peu à droite, mais je ne suis pas du tout dans la science, je ne suis pas du tout administratif. Mais là, j'ai une opportunité pour un mois de voir un peu qu'est-ce que c'est l'administratif. Et depuis une semaine, il y a une souris qui circule. Et tout le monde donc, fait ses petits dossiers d'étudiants parce que, voilà, il faut absolument que les dossiers soient remplis. Donc, c'est la saisie administrative. Et donc, il y avait une souris qui passait, du coup, on me dit, putain, il y a des souris ici. Personne ne dit rien. Et c'est au bout de 3 jours qu'ils disent, elle est où la souris ? Je vous dis, il y a des souris ici. Ah oui, il y en a plein, mais bon, de toute façon, le président de l'université, il ne sait plus quoi faire. Il y en a, il faut laisser. Donc, la petite souris, elle circule de bureau à bureau, parce que dans chaque bureau, personne parle, personne discute. C'est-à-dire qu'il y a la responsable qui donne ses ordres, il y a les petits gestionnaires qui doivent rentabiliser, et puis on dépêche, hein, parce que voilà. Et pourquoi je dis ça? Je m'en boule parce que c'est une horreur de s'amuser là-dessus. Non, c'est là, il n'y a pas de lien social. C'est la souris qui vous fait sourire. Il n'y a pas de lien social. Voilà. Puisqu'ils ne peuvent pas parler de la chose la plus importante qui se passe dans leur vie, c'est l'apparition d'une souris, quand même. Oui. Et en même temps, c'est ça qui est terrible, c'est que quand on voit les choses et on pense, soit il faut partir, mais en même temps, on se dit on part, encore une fois, c'est la fuite. C'est-à-dire qu'on voit des choses, mais comme on ne peut plus à un moment donné, pour ne pas tomber malade, il faut bien qu'on parte. Parce que, quelque part, on reste inhibé nous-mêmes. Je veux dire, on peut tomber malade au bout d'un moment parce que tout est fait pour que si tu penses, de toute façon, on va te tuer. Enfin, j'ai envie d'employer ces mots-là, mais c'est horrible. Rien que la psychologie dans Sciences Exactes, j'ai posé la question parce qu'il y avait psychologie. Je lui dis, ah bon, il n'y a plus de module psychologie? Oh non, non, le psychologue, non, non, ce qui se passe à l'université en ce moment, la psychanalyse, ça ne va plus, ils ont un discours savant, donc ils ont attaqué, bien évidemment, des gens très connus, qui sont un peu partout, mais ça, quelque part, ils n'ont pas tort. Je ne veux pas nommer des noms, mais bon, ils font des carnages. Et donc du coup, par contre ça serait la psychologie, on a essayé de faire quelque chose l'année dernière, mais ça ne marchait pas parce que c'était vu, eux ils veulent du comportementaliste. Il y a des souris là qui passent comme ça. Ça passe, mais on ne va pas s'intéresser. Nous ce qu'on veut c'est mettre des choses dans des cases. Quoi. J'ai passé une semaine fatiguée, mais en même temps, j'ai mis de la musique. C'est vrai, j'ai mis de la musique. Alors, la chef, elle a bien aimé, mais ça a fait du bruit. Donc, ça circule en ce moment. Donc, là, du coup, je dérange. Mais je fais exprès, parce que c'est une petite mission. Mais voilà. Non, mais je veux dire, c'est terrible. Quoi. Et quand on voit les gestionnaires, quoi, les petits employés, j'ai envie de dire petits employés, parce que les pauvres, ils vont tomber malades. Quoi. Ils n'ont plus de. C'est plus des corps, c'est même plus. Je ne sais même pas comment dire. Ah, c'est des individus, comme je disais tout à l'heure, en termes de segments de la population d'Annick. C'est pour ça que finalement, après, effectivement, la psychologie, les neurosciences, et tout ça, ça va effectivement dans le sens de dire que de s'accrocher au semblant. C'est-à-dire, en fait, de dire que la réalité existe et c'est pas une fenêtre sur le réel. C'est de dire, je n'en veux rien savoir, comme dit Lacan, du fait de s'accrocher à ça. Et c'est exactement la même chose comme avec la chaîne... société, répression, symptômes ou son renversement, quoi. C'est de se dire, ce que les gens appellent la logique habituellement, c'est pas la logique, c'est la causalité. C'est l'herméneutique, c'est le fait de dire, par exemple, je vois telle manifestation chez celui qu'on appelle le patient, ça veut dire que donc, s'il y a tel effet, ça veut dire qu'il y a telle cause est elle-même engendrée de quelque chose. Et on va dire par exemple, il y a la société avec ses interdits, ses tabous, etc., qui produisent de la répression, qui produit du refoulement, qui produit le symptôme. Et finalement, ce que Lacan montre, c'est que la logique ne nous dit pas ça, et que c'est justement exactement le contraire. Et la logique, c'est de comprendre qu'il y a, du refoulement dès le départ, parce que le par-l'être est soumis à une espèce de mode d'être au monde qu'on appelle le symptôme et qui est du fait du nouage qui l'institue comme sujet, comment il est dans le monde. Quoi. Et ça détermine quoi? Ça détermine un certain mode de ratage ou de réussite, mais plus de ratage, parce que justement, là, c'est, ce qui est intéressant, ce n'est pas l'automaton, c'est la tuquette, c'est le moment où il y a la rencontre avec le réel, c'est-à-dire avec quelque chose d'inattendu, quelque chose qui ne va pas, ce qui achoppe, ce qui cloche. Et puis à partir de ce moment-là, en fait, la façon dont il va rater, l'événement qui se produit, lui, est complètement contingent, mais la façon dont ça va s'inscrire, ça va s'historiciser, ça va s'inscrire dans l'histoire du sujet, est lui, déterminé par par des lois logiques de ce qui détermine son mode de ratage et qu'on appelle le symptôme. Et puis le résultat qu'on va avoir au bout, c'est ce qu'on va appeler en sens concret le symptôme, c'est-à-dire la raison qui va venir faire qu'il consulte un analyste ou un médecin ou n'importe qui en disant ça va pas. Sauf que, voilà, c'est ce qu'expliquait Christian au début, c'est-à-dire que pour qu'on comprenne la cause, elle est déterminée après coup, mais en fait à l'origine, par les effets. Et la seule chose que veulent voir les gens, parce que c'est la surdétermination. C'est-à-dire ce qui fait que dans ce qu'on va conduire dans le ratage selon un certain mode. Et ça, par exemple, on peut le faire avec les individus d'une population statistique, comme on peut le faire avec des souris ou avec des cafards, parce qu'effectivement, ça marche mieux. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec les êtres humains. Sauf qu'il y a la jouissance et il y a le sujet. Et ça, ça leur pose problème. Et c'est pour ça qu'ils veulent l'évacuer en tant que tel. Parce que pour rebondir là-dessus, j'avais envie de dire quand même que l'individu dans son monde de travail, par exemple, peut effectivement paraître comme un individu et avoir tous les ratages du sujet bien divisé dans son intimité, dans sa vie en dehors du monde du travail. C'est quand même aussi beaucoup à ça qu'on est confronté, et on peut peut-être l'espérer aussi. On a affaire à ce sujet-là qui, par moment, justement, est dans un rôle d'individu qui lui est surdéterminé, présupposé, etc. Ce qui est stupéfiant, par contre, c'est la manière dont il arrive à s'en, comment dirais-je, accommoder serait un peu trop fort, mais en tout cas... Et Lacan, c'est intéressant comment il pointe cette histoire, parce que justement, je crois qu'il s'en était pas vraiment rendu compte que lui, quand il parlait du sujet divisé, c'était un peu différent de ce que disent les analystes qui se sont lancés, en particulier les normaliens supérieurs, sur le mode c'est un sujet de pure logique. Évidemment, s'il dit sujet du signifiant, pure logique. Logique du signifiant, l'inconscient, c'est de l'illogique et non pas de la grammaire, hein, par exemple. Pas de grammaire dans l'inconscient, il n'y a que du logique. C'est dans la pulsion qu'il y a de la grammaire. Mais Lacan, il va sortir un truc très intéressant dans le séminaire encore. Il va dire qu'en fait, qu'il pose une hypothèse que l'individu, le sujet, c'est l'individu qui est pris comme sujet en tant qu'il a un corps, un nom, une histoire, une jouissance spécifique. C'est-à-dire qu'il réintroduit ça de ce côté-là. Donc, il a une définition de l'individu comme étant le par-l'être, qui n'est plus celle de la catégorie dont on parlait tout à l'heure, en tant qu'il n'est pas divisé. Aujourd'hui, on peut dire que l'individu, c'est le sujet moins son inconscient. Moins son inconscient. Oui. Il n'y a plus d'inconscient. Parce que... Donc, pour revenir... Si tu fais ça, t'es inconscient. Comment ? On dit d'ailleurs à l'enfant, mais maintenant, si tu fais ça, t'es inconscient. Alors là, ça soulève le problème d'une très grande confusion, la plus courante, hein, c'est confondre l'inconscient avec l'inconscience. Parce que justement, l'inconscient, c'est pas le contraire du conscient. Mais non. C'est que l'inconscient est un savoir sans sujet. C'est ça. Ça. Oui, je sais bien. De le rendre individu, justement. Oui. Et ce savoir sans sujet se manifeste, justement, et cet inconscient demande à être subjectivé par le sujet. Donc là, on rentre dans une possibilité de sortir de la dimension, justement, aliénante d'un degré de l'individu tel qu'il est considéré aujourd'hui, c'est-à-dire comme une donnée statistique, 1-1. Il n'y a pas de 1, puisque la frontière entre qui je suis et le monde n'est pas une frontière extérieure à moi-même, mais correspond à ma frontière interne avec moi-même. Donc la problématique, elle est là. C'est comment on passe du statut d'individu à la subjectivité. Très souvent, il y a des fétiches. La subjectivité, c'est pas le sujet. Oui, mais la subjectivité, c'est la zone... Quand on fait la condition objective, subjective, subjectif, c'est pas ça la définition du sujet. Subjectivité, c'est pas le sujet. C'est des effets. C'est des affects. C'est une espèce de miroitement, un effet de surface, en fait, comme tu dis, qui vient de la limite interne entre le semblant, la réalité, et le trou du réel qui tente de dévorer comme ça de l'intérieur la substance de la réalité. C'est cet effet de bord et limite que Lacan déjà sert une première fois en disant avec le mimi, là, un peu le mettre bout à bout et en faire une surface meubienne et qu'après il développe avec les autres, ce livre Le Cross-Cap avant d'ailleurs, et puis la bouteille de clé ensuite, et puis finalement après Le Nuage Borromien, où c'est exactement la même chose. Le terme d'inconscient, d'ailleurs, il le souligne, il dit que c'est Freud, il l'a pondu, c'est pas un bon terme. C'est pas un bon terme parce que l'inconscient, c'est pas ce qu'on ne sait pas. Bien sûr, même si on le sait pas, c'est pas ce qu'on sait. Parce que la méconnaissance, la méconnaissance aussi a une dimension inconsciente pour chacun, mais c'est pas l'inconscient freudien stricto sensu, si on peut le dire comme ça. C'est un savoir que Lacan situe comme une chaîne signifiante, comme chaînée par le signifiant. C'est une chaîne de signifiant, c'est ça, c'est l'inconscient structuré comme un langage, c'est ça le vrai terme. Alors Lacan, il essaye, je crois que ça passera pas. Il l'a essayé, il a traduit ça par la bévue, hein, en rapport au lapsus, au mot d'esprit, au ratage. Il a repris le terme allemand, unbewusst, mais ça marchera, ça passera pas dans la langue. Là, le terme d'inconscient va rester là, avec tous les malentendus que ça peut produire, parce que c'est un mot... Finalement, ça le désigne bien. Comment ? Finalement, de ce fait, ça le désigne bien. dans le malentendu, c'est-à-dire que seulement en le désignant, on ne le désigne pas du tout, c'est exactement sa définition. Et c'est peut-être pour ça que le terme reste, à mon avis. Oui. C'est qu'on le désigne avec quelque chose qui ne le désigne pas. Oui, c'est ça. C'est exactement définition parfaite. C'est peut-être effectivement mieux qu'une mère dise à son enfant « tu es inconscient » plutôt que de lui dire, quand il a 3 ans, « tu as un inconscient ». Tu es inconscient, c'est ce que Lacan dit de Dieu. Dieu est inconscient. Ben, surtout pas plus qu'il y a d'autres. Alors tu as un inconscient. Ben oui. Un enterrement sur la chose impossible. Un enterrement sur la chose impossible. C'est toujours cette chose impossible. Alors, une des caractéristiques justement de la logique analytique, c'est l'inversion des causes et des effets. C'est-à-dire ce qui apparaît comme une cause doit être considéré a priori comme un effet. Donc, et ce qui vient après est là pour venir suturer des vides qui font que cette cause-là, elle est formelle, donc elle a quelque chose qui échappe et qui est ce réel. Donc, dans la pratique analytique, c'est une manière de procéder. Si par exemple, je sais pas, ça arrive très souvent, une femme arrive pour dire que son mari l'a quittée, par exemple, c'est plutôt que de remonter une chaîne, disons pourquoi, c'est-à-dire que ce qui devient la cause, c'était que c'était déjà ça à l'origine qui est venu après coup. Se réaliser par suturation de la cause absente du sujet. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de sujet qui émergeait à ce moment-là. Donc ça, c'est une des manières justement de voir en quoi la logique analytique est à l'opposé justement de la logique de la causalité signifiée. Puisque ce qui manque est déjà manquant. Voilà. Par exemple, la base est par définition. Ce qui est court-circuit déjà la boucle habituelle, on pense que ce qui vient d'en manquer, c'est ce qui est présent et qui n'est plus présent. Alors justement, l'analyse montre bien que ce qui manque, c'est justement ce qui est. C'est un objet qui, au départ, est l'objet du manque, mais qui est aussi un objet manquant. Et que c'est les deux faces de la même... Qui n'a jamais eu lieu. Ouais, ouais, de la même chose, quoi. Bon. On clôture donc la 7e séance. Alors la prochaine, c'est le 27 avril. Donc j'enverrai un message. Les cartons d'invitation. Faire pas.